The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To care about. Avoir cure de. Guiding principle. Le fil conducteur. To clash. Entrer en conflit. To repudiate. Répudier. To renounce. Renier. To crack up. Craquer. Thankless. Ingrat. To have no money. Être sans le sou. Thrifty. Économe. To save some money. Mettre un peu d'argent de côté. You. La brebis. Spearhead. Le fer de lance. Undertaking. L'entreprise. Now, a bit faster. To renounce. Renier. Guiding principle. Le fil conducteur. To save some money. Mettre un peu d'argent de côté. Guiding principle. Le fil conducteur. To repudiate. Répudier. To care about. Avoir cure de. To clash. Entrer en conflit. To have no money. Être sans le sou. Spearhead. Le fer de lance. To save some money. Mettre un peu d'argent de côté. Thrifty. Économe. Undertaking. L'entreprise. To repudiate. Répudier. To clash. Entrer en conflit. To care about. Avoir cure de. Thankless. Ingrat. To crack up. Craquer. To care about. Avoir cure de. To crack up. Craquer. Spearhead. Le fer de lance. To repudiate. Répudier. You. La brebis. To care about. Avoir cure de. To renounce. Renier. To repudiate. Répudier. You. La brebis. To renounce. Renier. Undertaking. L'entreprise. Now, use the words in context. Avoir cure de. I don't give enough importance to these details to care about them. J'accorde trop peu d'importance à ces détails pour en avoir cure. Le fil conducteur. Respect for the environment is the guiding principle of the Green Party. Le respect de l'environnement est le fil conducteur du parti écologique. Ingrat. I refuse to work 10 hours a day and be underpaid. It's too thankless. Je refuse de travailler 10 heures par jour et d'être sous-payé. C'est vraiment trop ingrat. Craquer. This athlete cracked under pressure the day before the last event and has given up the race. Cet athlète a craqué la veille de la dernière épreuve et a abandonné la compétition. Renier. The king has decided to disown his son following the obnoxious behavior of the latter. Le roi a décidé de renier son fils.